à tous et bonjour à toutes. C'est samedi, c'est l'heure de votre rendez-vous de Dr. Disco et Mr. Funk, bien sûr. Alors, pour la découverte, vous vous rappelez de Thelma Houston et de son titre Don't Let Me This Way. Eh bien, aujourd'hui, on va écouter son plagiat, histoire de bien vous faire entendre les différences. Alors, cette chanson disco standard est un succès majeur à travers l'Europe et devient numéro 1 au Royaume-Uni en octobre 1977. Elle ne marche pas aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi, bien qu'elle fût diffusée sur plusieurs marchés, plusieurs radios et dans de nombreuses discothèques. Alors, l'introduction avec des soupirs ressemble à celle de Don't Leave Me This Way, interprétée par Harold Melvin and the Blue Knot et aussi par Thelma Houston. Allez, on y va! You stay, you can't go wrong. I can boogie, boogie, boogie, all Alors c'est le moment de notre rubrique des 100 hits. Aujourd'hui, Chic et son titre Dance, Dance, Dance. Alors en 1977, Chic n'existe que dans l'esprit de Nile Rodgers et surtout sur un morceau enregistré une nuit et en attente de publication, Everybody Dance. Le groupe eh ben, vit de concerts et de séances de studio et durant l'une d'elles, un jam est enregistré et soumis à Nile Rodgers qui ajoute ses légendaires riffs de guitare et obtient la trame du futur Dance, Dance, Dance. Lehman, leur producteur, il engage pour les chants, une équipe de choristes réputée dont fait partie Luther Vandross. Nice et Nard écrivent un texte simple qui appelle à la danse, et au milieu du couplet, ils décident d'ajouter un extrait du film On achève bien les chevaux, Yosha, Yosha, Yosha. Alors Lehman ensuite, il enregistre les arrangements et le morceau, il est fin prêt. Leur producteur, il leur obtient un contrat pour la sortie du single et il est tellement impatient de le présenter à la convention disco du magazine Billboard, mais le morceau, il est ni mixé ni prêt à sortir. Alors dans l'excitation, le producteur signe un second contrat avec Atlantic Records, ce qui est illégal bien sûr, et il vend la seule copie de qualité moyenne en sa possession. Le single, il va sortir avec un son médiocre, mais alors pour faire augmenter les ventes, ils indiquent que le morceau a été mixé par un célèbre DJ, mais la version demeurera inédite, même moi je ne l'ai pas retrouvée. Alors leur première maison de disques sort aussi le morceau, mais avec une meilleure qualité. Le single il sera donc sur deux labels à la fois. Chic explose, et leur premier album sort chez Atlantic. Le succès est en marche, c'est parti. Crazy, makes me hazy. Gadget, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Pour notre rubrique Phase B, j'ai choisi de vous faire écouter la phase B de Flashback d'Imagination. Le titre, c'est Burning Up, et il est issu de l'album Body Talk. Alors, initialement sorti comme single promotionnel en 1981, la chanson ne sort qu'aux États-Unis en février 1982, sous la forme de 45 tours bien sûr, et sous le label MCR Records, en tant que quatrième et dernier single de l'album. Alors, elle deviendra un succès dans les discothèques américaines en atteignant la sixième place du classement Hot Dance Disco. Burning Up a par la suite été reconnue comme une chanson influente pour la musique house et a été reconnue aussi par le DJ américain Frank Knuckles comme un titre clé du développement de la musique house. Ailleurs dans le monde, Silence Radio, elle ne sort qu'en phase B. Et si on se l'écoutait ? Le samedi, c'est Apéro Disco sur Fadjet. Pour le maxi du jour, on va se refaire une petite dose de Heatwave. Aujourd'hui, Boogie Night, sorti en 1977. Il est tiré de l'album Too Hot to Handle. Alors, il y a une célèbre harpiste, Carla Scanger, qui joue son introduction. Le titre, il va atteindre la seconde place aux États-Unis et il sera disque de platine. En 1992, le tube est repris par Sonia, une chanteuse anglaise avec bien sûr bien moins de succès. Allez, on s'en prend une petite dose. Boogie night. Alors, un petit groupe pour finir avec la pépite. Enfin, petit, mais immense plutôt. On va se repasser un petit coup de Shalamar. Des pépites, il y en a assurément plein. Alors moi, j'essaye de vous diffuser des titres qui passent peu à la radio. Texas to the Bank, ça vous parle ? Le morceau est issu de l'album Disco Garden, sorti en 1978. Il est très funky, bien dans la veine de l'époque. Alors on est au tout début de la carrière de Shalamar, mais c'est déjà très très bon. À vous d'en juger. Alors, toutes les bonnes choses ont une fin. Je vous dis bon week-end, bonne semaine et à samedi prochain. Bye bye.